طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va terminer aujourd'hui la lecture du livre Ijma' al-Ulama على الهجر والتحذير من أهل الأهواء, le consensus des savants au sujet du fait de s'écarter, de boycotter et de mettre en garde contre les gens de la passion, c'est-à-dire les gens de bid'ah. Et on fait donc aujourd'hui la partie 11 dans ce livre, et c'est la dernière dans le chapitre 4, dans la lecture des paroles des différents imams au sujet de du hajr et du fait de s'écarter des mubtadi'a et ainsi de suite. On en a lu plusieurs dans les deux derniers cours, et aujourd'hui donc on va terminer avec la 16e parmi les imams qui sont mentionnés sur les 30, et c'est l'imam Abu al-Muzaffar as-Sam'ani qui est mort en l'an 489 de la Hijra. Il dit dans son livre Al-Intisar li Ahli al-Hadith, et ce livre-là, si je me souviens bien d'avoir lu ça quelque part, c'est qu'il y a des ulama qui ont mentionné que son livre, il a été perdu, Al-Intisar li Ahli al-Hadith. C'est un livre qui a été perdu, mais il y a des parties du livre qui ont été préservées dans d'autres livres, parce qu'il y a des savants qui en ont cité des passages. Et donc, on a quand même des passages du livre, et celui-là est tiré d'un livre qui s'appelle « Sawnul Mantiq wal Kalam » de l'imam As-Suyuti. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh, il dit « Sache que lorsque tu vas méditer sur la vie des sahaba et ceux qui sont venus après eux, parmi les salaf as-salih, tu vas comprendre et tu vas trouver qu'ils interdisaient de rentrer dans des débats avec les gens de bid'ah. Et ils interdisaient ça de la façon la plus sévère et la plus claire. Et ils ne voyaient même pas qu'on devait répondre à leurs paroles ou réfuter leurs paroles par des arguments rationnels. C'est-à-dire qu'ils se limitaient pour les réfuter aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ils n'allaient pas rentrer dans des débats en mentionnant des arguments rationnels ou logiques, comme les philosophes ou les trucs de ce genre. Contrairement aux jeunes bid'ah, justement, qui eux voulaient essayer de réfuter les kuffars ou les mushrikines ou les mubtadi'ah en se basant sur des arguments soi-disant rationnels. Puis, en fait, le fait d'avoir fait ça, ça a ouvert la porte à plein d'autres innovations par la suite. Donc, l'imam ici, c'est ce qu'il dit. Et il ne voyait pas qu'on doit réfuter leurs paroles, c'est-à-dire les paroles des jeunes bid'ah, par des preuves ou des arguments rationnels. Hein? Et lorsqu'ils entendaient, une parole ou quelque chose de la part d'un parmi les gens des gens de la bid'a, eh bien, il se désavouait de lui et il faisait paraître ce désaveu. Et ils interdisaient aux gens de s'asseoir en sa compagnie et de vouloir entrer dans des échanges, des dialogues avec lui ou de parler avec lui. Hein? Et même, parfois, ils interdisaient même de regarder la personne. Hein? Ils interdisaient même de le regarder, subhanallah. Et ils ont dit, si tu vois un mubtadi qui vient dans un chemin, prends un chemin différent. Hein? Prends un autre chemin. Hein? Parce qu'ils voulaient tout faire pour l'éviter. Tout faire pour éviter les gens de bid'a. Et il dit ensuite, ces innovations-là sont apparues par la suite. Donc ce sont des innovations qui sont basées sur quatre bid'a ou passions principales. Et il dit, je veux dire par là, la bid'a du qadar, la bid'a de l'irja, l'opinion des khawarij et celle des rafida, qui sont venus à la fin de la période des sahaba. Toutes ces bid'a sont apparues à la fin de la période des sahaba, c'est-à-dire les plus jeunes d'entre les sahaba. Hein? À la fin de leur époque, on a vu apparaître ces bid'a-là. Al-qadar, c'est-à-dire ceux qui nient la prédestination. Al-irja, c'est ceux qui ont une erreur dans la compréhension de qu'est-ce que c'est la foi, hein, et qui excluent les actions de la foi, c'est-à-dire ils disent les actions ne font pas partie de la foi et les paroles ne font pas partie de la foi. La foi, c'est seulement quelque chose qui est dans le cœur. La foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, elle est toujours la même pour tout le monde, hein. Et ça, c'est des exemples de bid'a qu'on retrouve chez les murji'a, hein, une des sectes parmi les sectes de bid'a. Et elle existe encore, cette bid'a. L'opinion des haruriya ou al-haruriya, c'est les khawarij, ceux qui font le takfir des musulmans pour des péchés. Et la bid'a des rafida. La bid'a des rafida. Et certaines personnes parmi les gens qui sont pas sur la voie des salafs à notre époque, ils découragent les musulmans d'apprendre et d'être au courant de ces groupes ou de ces sectes. Et ils disent aux musulmans, ça ne sert à rien d'étudier ce genre de choses parce que ces sectes-là, elles n'existent plus aujourd'hui. Hein? C'est des choses anciennes, passées, et c'est fini aujourd'hui. Et ça, c'est totalement faux. Parce que, par exemple, Al-Qadariya, par exemple, Al-Qadar, elle existe encore aujourd'hui. Et de même que Rafida, ils existent. Les Shia, Rafida, ils existent aujourd'hui encore. Et il faut comprendre aussi, il faut savoir une chose, c'est que toutes les sectes des chiites sont toutes sur la aqida des Mu'tazila en ce qui concerne les attributs d'Allah et en ce qui concerne les noms d'Allah et en ce qui concerne le Qadar. Toutes les sectes des Shia, parmi les différentes sectes qui sont présentes chez les Shia, les Rafida, les Zaydiya et les autres, ils sont tous sur la voie de l'i'tizal. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre Manhaj al-Sunnah, il réfute les Rafida et les Mu'tazila. Parce que les Shia sont tous sur la aqida des Mu'tazila. Donc la preuve que la aqida des Mu'tazila, elle existe encore aujourd'hui, c'est qu'elle existe chez les Rafida. Et eux, ils la propagent, cette aqida-là. Non seulement elle est présente chez les Rafida, mais elle est présente aussi en partie chez les Asha'ira, chez les Maturidiya. Parce que c'est eux qui propagent cette aqida-là. Hein, la négation des attributs, excepté sept. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont pris des Mu'tazila à la base et des Jahmiya. Donc c'est des sectes qui existent encore. Les Khawarij, c'est une secte qui existe encore aujourd'hui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a mis en garde contre les Khawarij, il nous a dit qu'ils allaient continuer à apparaître. jusqu'à ce que les derniers d'entre les Khawarij sortent avec le Dajjal. Hein? Donc ils vont être là jusqu'à la fin. Et il y aura toujours des groupes de Khawarij qui vont sortir de temps à autre dans la Ummah. Et que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque fois qu'une de leurs cornes va sortir, elle sera coupée. Donc ça veut dire que c'est une secte qui revient tout le temps, à différentes époques. D'accord? Donc ça c'est... Et puis Al-Murji'a, ils existent aussi encore. On les retrouve chez les Soufis, on les retrouve chez les Asha'ira aussi, parce que les Asha'ira sont des Murji'a dans Al-Iman. Hein? Donc, on ne peut pas dire que ces sectes-là, aujourd'hui, elles n'existent plus. Et il y a des groupes, justement, qui veulent réunir toutes ces différentes sectes-là ensemble. Hein, et dire que, pas grave, ces sectes, il faut collaborer, travailler ensemble et s'excuser dans nos divergences, comme les Irkouan, par exemple. Et d'autres groupes comme les Tablir aussi. Tablir aussi, ils sont comme ça. Ils acceptent toutes les sectes. Et ils n'acceptent pas qu'on critique ou qu'on rentre dans la critique des gens de Bid'ah. Donc, ça c'est la preuve que c'est faux de dire que ces sectes-là n'existent plus aujourd'hui. Elles existent encore. Et deuxièmement, et si on n'en parle pas, eh bien comment on va pouvoir être protégé contre l'égarement de ces groupes et de ces sectes? C'est nécessaire donc de savoir quels sont ces sectes-là, quels sont ces groupes-là pour être avertis et protégés. Donc, comme l'imam As-Sam'ani, il dit que toutes les bid'ah, toutes les sectes, à la base, sont parties de ces quatre sectes. Al-Qadar, Al-Irja, Al-Haruriya et Al-Rafida. Ça, c'est les quatre premières grosses bid'ah qui sont apparues dans la Ummah. Puis, de ces quatre bid'ah-là sont apparues les autres. Et les autres ont découlé de celle-là par la suite. Donc, lorsque les sahaba ont entendu parler de ces bid'ah-là, lorsqu'elles sont apparues, eh bien, ils ont ordonné de s'écarter de ces gens-là, de ne pas s'asseoir avec eux, et de les boycotter complètement. Et il ne nous a pas été transmis de la part d'aucun d'entre eux qu'il fallait rentrer dans des débats ou dans des argumentations avec ces gens-là par des arguments rationnels. Aucun d'entre eux n'a jamais ordonné ce genre de choses. Donc, et eux, bien entendu, les sahaba, c'est eux qui étaient les plus proches de la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu avec lui, qui ont été témoins de la révélation lorsqu'elle a été révélée. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné de leur part que ce sont des gens honnêtes et que c'est des gens justes, hein, et que il leur a donné la plus grande des tazkiyah dans le Coran, hein, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné dans le Coran à propos des sahaba qu'il est satisfait d'eux, hein, qu'il est satisfait d'eux. Donc ce sont les meilleurs de cette ummah, et Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné également de leur véracité et de leur sincérité. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné ça à leur sujet aussi. Il a témoigné que ce sont les meilleurs, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les meilleurs de cette umma. Et leur obéissance, c'est-à-dire l'obéissance des sahaba, elle était plus grande que celle de ceux qui sont venus après. Et leur cœur était plus penché vers la soumission que le cœur de ceux qui sont venus après eux. Et leur poitrine, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, leur cœur était plus pur que le cœur de ceux qui sont venus après. Et leur science était plus grande que la science de ceux qui sont venus après aussi. Et ils étaient sur la guidance. Et ils étaient les plus éloignés de la bid'ah. Hein? Donc ce sont les modèles pour nous, hein? Et on doit suivre leur exemple. Comment ils ont agi avec les gens de bid'ah, c'est de là qu'on trouve notre guidance en partant, hein? Après l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple de ses compagnons. Et si la voie, le cheikh il dit ensuite, et si la voie de la réfutation des gens de bid'ah était dans le fait de rentrer avec eux dans des débats, des arguments rationnels, des débats basées sur la logique ou sur la philosophie ou des méthodes d'argumentation. Hein? Eh bien, les Sahaba l'auraient fait. Si c'était ça la bonne voie, les Sahaba auraient été les premiers à le faire. Hein? Et ils auraient ordonné les gens à le faire aussi. Ils auraient encouragé les gens à faire ça. Hein? Mais en réalité, lorsqu'on observe l'histoire de l'islam et comment les choses se sont développées au début avec les questions de bid'ah, on voit que ce genre de débat-là et d'argumentation avec les mubtadi'a et les disputes au sujet de la religion sont apparues seulement après les meilleurs siècles de l'islam, après les trois meilleures générations. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le mentionne dans un hadith. Hein? Il le dit, « Khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. » La meilleure génération, c'est ma génération, puis celle qui vient ensuite, puis celle qui vient ensuite. Donc ça, c'est les trois meilleures générations. Après ces trois meilleures générations-là, hein, on voit apparaître des mensonges, on voit apparaître des faux témoignages, on voit apparaître beaucoup d'ignorance qui est propagée, on voit que la sunna commence à, peu à peu, commence à perdre de sa force, hein, commence à s'affaiblir. Et donc c'est une époque qui est venue après l'époque des Sahaba, l'époque des Tabi'in, l'époque des Tabi'in, c'est une époque qui est venue au sujet de laquelle on trouve des avertissements de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la part des Sahaba qui sont venus après. Ils ont mis en garde les musulmans par rapport à ces époques-là qui allaient venir par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il dit, viendra une époque où les gens seront de telle façon. Viendra une époque où la science va être dissipée, va être enlevée, et l'ignorance va être généralisée. Viendra une époque où, ainsi de suite. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Il nous avertit, il nous met en garde. Puis, donc, ça c'est la parole de la fin de la citation ou de la parole de l'imam As-Sam'ani Abu al-Mudhaffar. Puis le cheikh Khalid al-Zufayri, hafizahullah, il dit, puis il a mentionné un nombre de paroles des salafs au sujet de la façon d'agir avec les gens de bid'ah et le fait de s'écarter d'eux et de se désavouer d'eux jusqu'à ce qu'ils disent par la suite, وَهَذَا الَّذِي نَقَلْنَاهُ طَرِيقَةُ السَّلَفِ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ. C'est-à-dire, ce que nous avons cité, ça c'est la voie des salafs et c'est ce qu'ils suivaient. Hein? C'est ce sur quoi ils étaient. Donc ça c'est encore une fois une preuve que les salafs étaient sur cette voie-là et c'est le témoignage d'un autre d'entre les imams qui supporte le témoignage des autres qu'on a mentionné auparavant. Maintenant les paroles de l'imam Al-Baraoui, qui est mort en l'an 516. Et comme vous pouvez constater, probablement que vous avez déjà remarqué, mais l'imam, il commence c'est-à-dire il va de façon chronologique. Tous les imams qu'il a cités, eh bien, on voit qu'il commence par ceux qui sont plus anciens, puis il avance de plus en plus vers ceux qui sont venus plus tard par la suite. Donc là, on est rendu à un imam qui est qui est décédé en 516, tandis que l'imam avant c'était en 489, et donc chaque fois on avance dans l'histoire, mais c'est pour nous faire voir qu'il y a une suite, il y a une chaîne qui se suit, hein, par rapport à ces principes-là, et qu'à chaque génération, à chaque siècle, il y a des imams qui transportent cette compréhension de l'islam qui vient de nos salafs salih. Il n'y a pas d'interruption dans l'histoire par rapport à cette voie-là. Parce que c'est un groupe qui est sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Depuis le temps des Sahaba jusqu'à la fin des temps. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une époque ou une génération où on n'en trouve pas d'imams, de ulama qui suivent cette compréhension et cette voie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Ça veut dire qu'il y aura toujours un groupe de ma Ummah qui va être victorieux sur la vérité. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une époque où il n'y aura pas ce groupe victorieux-là. Ce groupe victorieux, il est depuis l'époque des Sahaba jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire victorieux sur la vérité, sur la Sunna, et qui supporte la aqidah des salafs, et qui s'écarte des gens de bid'ah. Ils vont toujours exister, ils vont toujours être là. C'est pas nécessaire qu'ils soient tous à la même place. C'est pas nécessaire qu'ils soient que tous à la même époque. Mais à chaque époque, il y en aura toujours. Même s'ils sont dispersés, ou parfois on les retrouve à un endroit en particulier, parfois on les trouve dans des endroits différents, mais c'est pour dire que il n'y aura pas une époque où on pourra dire ça y est, il n'y a plus personne qui est sur la sunna du tout, jusqu'à la fin des temps. Il y aura toujours une portion de la Ummah qui s'accroche à la vérité. Donc, cet imam, l'imam al-Baghawi, qui est mort en l'an 516, son nom c'est Abu Muhammad al-Hussein ibn Mas'ud al-Baghawi, rahimahullah, un grand imam, un grand alim. Il dit, en parlant du hadith de Ka'b ibn Malik, à propos des trois hommes qui étaient restés derrière lors de la bataille de Tabouk, hein, et leur histoire est mentionnée dans Surat Tawbah, Surat 9 dans le Coran. Donc c'est les trois qui étaient restés derrière alors qu'ils n'avaient pas d'excuses, hein, parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Tabouk, Tabouk c'est une région de l'Arabie qui est très au nord, hein, près de la Syrie. Donc pour y arriver, il fallait traverser un grand désert. Et non seulement qu'il devait traverser un grand désert, mais c'était en plein été. Alors, beaucoup de gens, parmi les munafiqines, ont cherché des prétextes pour ne pas partir. Ils voulaient pas y aller parce qu'ils trouvaient que c'était trop dur. Hein? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté pour partir. Il a ordonné à tous les sahabas de venir. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite ? C'est que parmi ceux qui sont restés derrière, il y a trois d'entre les sahaba qui étaient là. Et eux, ils n'avaient pas d'excuse pour rester derrière. C'est-à-dire, ils avaient la capacité physique, ils avaient la monture pour y aller. Hein, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais ils ont laissé le temps passer jusqu'à ce qu'il soit trop tard, puis finalement ils sont restés derrière. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu avec les sahaba, ben tous les munafiqines sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser, pour dire ah ben on pouvait pas venir, on s'excuse, hein, demande pardon à Allah pour nous, et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés, il les a laissés partir, c'est-à-dire il les a pas réprimandés, il leur a dit ok c'est correct. Tandis qu'il y en a trois d'entre eux, les trois qui étaient restés derrière, qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont avoué, ils ont admis la réalité. Ils ont dit, on n'a pas d'excuses. On avait tout ce qu'il fallait pour partir, sauf qu'on est resté derrière. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est, on veut le pardon d'Allah. Hein? Et donc, qu'est-ce qui est arrivé avec ces trois-là? C'est que les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de ne plus leur adresser la parole pendant 40 jours. Hein? Et lorsqu'il leur a dit de ne plus leur adresser la parole, en fait, il leur a pas dit que ça va être 40 jours, mais il leur a dit de ne plus leur adresser la parole. Sauf que, quand le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélé dans le Coran à leur sujet, mais ça a fait 40 jours. Mais à la base, eux, ils savaient pas combien de temps ils allaient rester, hein, sans que les gens leur adressent la parole. Et pendant cette période-là, même leur épouse n'avait pas le droit de leur parler. Et pendant cette époque, pendant cette période-là aussi, même les chrétiens, par exemple, parmi les arabes chrétiens à l'époque, qui avaient entendu parler de ce boycott de ces trois sahaba, ont envoyé une lettre à Ka'b ibn Malik pour lui dire on a entendu qu'est-ce qui t'arrive de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, qui ne t'adresse plus la parole, qui ne te parle plus, et ainsi de suite. Alors, comme si en voulant dire, on t'invite, hein, viens vers nous. Hein, nous, on va t'honorer, on va te, hein, on va t'élever, et ainsi de suite. Ils essaient de l'attirer parce qu'ils voient qu'il est dans une situation difficile. Et il a pris la lettre et il l'a brûlée. Hein, et quand il passait dans les rues, il donnait le salam aux gens, personne lui répondait le salam. Rien. Donc, c'est de ça qu'il fait, c'est à cette histoire-là qu'il fait allusion. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a révélé un verset pour mentionner qu'il a accepté la repentance des trois. Hein? Et ce jour-là, ils se sont réjouis. Donc, le shaykh dit ça, c'est la preuve que le fait de s'écarter des gens de bid'a et de s'éloigner d'eux, c'est pas limité par un temps spécifique. C'est jusqu'à ce qu'ils se repentent. Cheikh, il dit « ala ta'bid ». Donc, ça veut dire c'est juste pour toujours, jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « lorsqu'il a craint pour Ka'b et pour ses compagnons l'hypocrisie, lorsqu'ils sont restés derrière, lors de la bataille de Tabouk, qu'ils ne sont pas sortis avec les musulmans, eh bien, il a ordonné de s'écarter d'eux. Et ils se sont écartés d'eux jusqu'à ce que Allah fasse descendre la repentance. Si vous voulez lire l'histoire de cet événement-là, dans Riyad Salihin, vous allez le trouver dans le chapitre sur As-Sidq, c'est-à-dire la véracité. Hein, dans les premiers chapitres de Riyad Salihin. C'est un hadith qui prend 3 ou 4 pages. C'est une histoire qui est vraiment détaillée. Et c'est un des hadiths que si vous le lisez, vous allez voir, l'histoire est vraiment émouvante, subhanallah. Donc, lorsque ce verset-là est descendu, Allah les a pardonnés, a accepté leur repentance, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'ils étaient innocents. Et donc ça, c'était quelque chose qui a été établi et qui a été appliqué par la suite par les sahaba, par les tabi'oun et par ceux qui les ont suivis et par les ulama de la sunna, et ils sont tous d'accord, ils sont tous réunis sur le fait de montrer de l'animosité envers les gens de la bid'a et de s'écarter d'eux et de les boycotter. Hein? Le cheikh il mentionne, l'imam al-Barawi, il dit wa ulama al-sunna ala hadha مجمعين ومتفقين على معادات أهل البدع ومهاجرتهم. Donc, c'est pour dire qu'ils sont tous d'accord. C'est la preuve de cet ijma dont on parle. Et ça, c'est dans son livre Sharh Sunnah. La parole également de maintenant un autre imam qui est Muwaffaq al-Din ibn Qudama, ibn Qudama al-Maqdisi, le grand savant, le grand faqih Hanbali. Qui est mort en l'an 620 après la Hijra. L'imam Al-Allama Ibn Muflih Al-Hanbali, il cite justement l'imam Ibn Qudama dans son livre Al-Adab Al-Shar'iyya. Il cite l'imam Ibn Qudama. Il dit que l'imam Muwaffaquddin Rahimahullah a mentionné l'interdiction de regarder dans les livres des Mubtadi'a. Et il a dit que les salafs interdisaient de s'asseoir avec les gens de la bid'a ou de regarder dans leurs livres ou d'écouter leurs paroles jusqu'à ce qu'ils disent ensuite. Et si les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis sur leur sunna dans toutes les villes, dans toutes les régions, dans toutes les époques étaient tous d'accord sur l'obligation de suivre le Coran et la Sunna et d'abandonner le ilm al-kalam, c'est ce qu'on appelle la philosophie ou les débats basés sur l'argumentation philosophique ou soi-disant rationnelle ou logique, comme la logique grecque ou des trucs comme ça, et de rendre mubtadi' les gens qui le font, les gens qui ont recours au ilm al-kalam, et de s'écarter d'eux et de mentionner que ce sont des gens qui sont des hérétiques, de dire qu'ils sont dans une hérésie, zandaqa, et dans une bid'a. Alors il est obligatoire, hein, que il est obligatoire de dire que leur voie est une voie de fausseté et qu'on ne doit pas s'y retourner, qu'on ne doit pas lui donner de l'importance et que personne ne doit se laisser tromper par cette voie-là. Une autre citation qui est la parole de l'imam Abu al-Abbas al-Qurtubi, qui est mort en l'an 656 après la Hijra. Il dit, قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي, après avoir mentionné l'interdiction du Hajj plus que trois jours, il a dit, ça c'est en ce qui concerne le Hajj qu'on a mentionné, c'est-à-dire lorsque deux amis se sont fâchés l'un avec l'autre sur quelque chose qui est permis et qui n'a pas de lien avec la religion. Alors, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas dépasser trois jours. Ils ne peuvent pas s'écarter l'un de l'autre et cesser de se donner le salam plus que trois jours. Toutefois, s'ils se sont écartés l'un de l'autre à cause d'un péché ou une bid'a, il est obligatoire donc que ce hajr continue de cette façon jusqu'à ce qu'il y ait repentance. Donc ils doivent cesser, hein, de parler avec la personne qui est sur cette bid'a ou sur ce péché jusqu'à ce qu'il se soit repenti. Et il n'y a pas de divergence là-dessus. C'est dans le livre Al-Mufhim, c'est un charh de Sahih Muslim, écrit par cet imam Abu al-Abbas al-Qurtubi. Maintenant, le cheikh, il cite des citations de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. On en a déjà lu plusieurs à travers le livre, mais là, il en a mis quelques-unes de plus pour montrer la position de Cheikh al-Islam à ce sujet-là. Parce qu'il y a des gens parmi les Hizbiyyins qui ont essayé de ramener des paroles parfois de Ibn Taymiyyah pour essayer de faire croire aux gens que le manhaj de Ibn Taymiyyah par rapport aux gens de Bid'a, c'était d'utiliser al-muwazanat, c'est-à-dire de peser les bonnes actions et les mauvaises, et de mentionner toujours les bonnes quand on parle de mubtadi'. Hein? Eh bien, le cheikh, il ramène ces paroles-là pour montrer c'était quoi la position de Cheikh al-Islam, et que c'était la même position que la position des salaf al-salih. En fait, les ulama ont expliqué qu'il y a deux situations qui sont deux situations différentes par rapport au fait de parler quand on parle des gens de bid'a ou quand on fait un rappel à leur sujet. C'est que soit on parle d'eux dans le but de donner la nasiha aux musulmans et de mettre en garde, alors dans ce cas-là, on ne mentionne que leur bid'a, que leurs erreurs. Et on avertit les musulmans à leur sujet. Ou bien, on parle d'eux dans le sens de faire leur biographie. Comme on écrit un récit ou une biographie de quelqu'un. Et dans ce cas-là, on va mentionner tout. Le bien et le mal. Hein? Pourquoi? Parce qu'on veut juste faire connaître en réalité l'histoire de cette personne. Sa biographie, sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait. C'est pour ça que quand vous allez lire des livres comme « Siyar al-A'lam al-Nubala » de l'imam al-Zahabi, il va mentionner dans ce livre-là les biographies de différentes personnes, même parmi eux parfois des gens de bid'a, et ils vont citer tout ce qu'ils ont fait, hein, que ce soit bien ou mal. Parce que le but de ce livre-là, c'est pas pour avertir les musulmans par rapport à leur bid'a en particulier, mais juste de faire connaître leur histoire, c'est qui ces personnes. Hein? Donc le contexte n'est pas le même, hein? Et l'objectif n'est pas le même. Tandis que si le but c'est de mettre en garde, hein, et d'avertir et de dénoncer la bid'a et de la réfuter, dans des contextes comme ça, il n'y a aucun but de mentionner leurs bonnes actions ou leurs qualités ou le bien qu'ils ont fait. Parce que si tu fais ça, tu fais le contraire de ce que tu veux faire en fait. Tu fais, au lieu de mettre en garde contre eux, tu invites les gens à les suivre et à les écouter. Et c'est ça qui est mauvais en fait. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui, parmi les Hizbiyyin, voulaient prendre les paroles d'Ibn Taymiyyah parfois hors de contexte, ils prennent des paroles où Ibn Taymiyyah mentionne des choses historiques pour faire comprendre aux gens, ou parfois il fait une comparaison entre deux groupes ou entre deux sectes, et il va dire par exemple à propos des Asha'ira, ils vont dire les Asha'ira sont plus proches de Ahl Sunnah que les Mu'tazila. Donc les gens qui vont entendre ça parfois, parmi ceux qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas de compréhension de base dans l'aqida, ils vont entendre ça, ils vont dire ah, Ibn Taymiyyah dit qu'ils sont plus proches de la Sunna, ça veut dire qu'ils sont corrects, hein? Mais ça ne veut pas dire ça, parce que en fait c'est une question, maintenant le cheikh est en train d'expliquer deux choses, donc c'est relatif. Si tu dis par exemple les chrétiens sont moins durs envers les musulmans que les juifs, ou détestent moins les musulmans que les juifs, est-ce que ça veut dire que les chrétiens aiment les musulmans? Non. Ça veut dire qu'ils les détestent moins que les juifs. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Donc si je te dis, par exemple, les Mu'tazila les Asha'ira sont moins loin de la Sunna, les Asha'ira sont moins loin de la Sunna que les Mu'tazila. Est-ce que ça veut dire que les Asha'ira sont sur la Sunna? Non. Mais ça veut dire qu'ils sont moins loin que les Mu'tazila. Les Mu'tazila, c'est une secte d'égarement, et les Asha'ira, c'est une secte d'égarement. Les deux sont dans l'égarement. Mais une est moins loin que l'autre. Eux, ils prennent ça et ils essaient de faire croire aux gens que ça, c'est Al-Mu'ajanat. Alors que ça n'a pas rapport. Ils parlent d'un autre contexte. Et ils voulaient faire, en fait, comprendre que... les gens avaient du respect envers les ulama et envers les gens qui ont travaillé pour l'islam selon la portion de la défense qu'ils ont eue, ou selon la proportion de défense de la sunna qu'ils ont eue à travers l'histoire. Donc plus un groupe est proche de la sunna, plus ils avaient un rappel. Les gens voyaient d'eux plus de bien que celles qui étaient plus loin de la sunna. Et plus un groupe s'éloigne de la sunna, hein, mais plus les gens ont un mauvais regard sur eux. Et il donnait l'exemple, par exemple, des Rafidah, puisque les Rafidah, en général, c'est le groupe que les gens considèrent comme étant un des plus loin de la Sunna parmi les sectes et les groupes de Bid'a. Hein? Donc, ça, c'est juste pour clarifier. Maintenant, on va lire quelques paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. La première citation, c'est tirée de Majmou' al-Fatawa, le volume 24. De la page 174 à 175. Cheikh al-Islam, il dit qu'il a été rapporté authentiquement qu'on a fait le Hajr de Ka'b ibn Malik et de ses deux compagnons, comme on en a parlé tout à l'heure. Lorsqu'ils sont restés derrière lors de la bataille de Tabouk. Et donc leur péché, leur désobéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenue apparente, et qu'on a eu peur par rapport à leur hypocrisie. Alors on s'est écarté d'eux, on les a boycottés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux sahaba de boycotter les trois. Même leurs épouses, ils devaient s'écarter de leurs propres épouses, sans divorcer. Il dit, le cheikh, pendant 50 nuits, jusqu'à ce que soit révélée leur repentance du ciel. Il dit, et ainsi que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a ordonné aux musulmans de boycotter Sabir ibn Asal, al-Tamimi. Sabir ibn Asal, j'avais raconté son histoire au début, quand j'ai expliqué le livre, quand j'étais à Mons. Donc peut-être qu'il y a des frères ici qui n'ont pas entendu, c'était l'histoire de Sabir ibn Asal. Sabir ibn Asal, c'est un homme qui cherchait que les versets équivoques dans le Coran et qui passait son temps à poser des questions à propos des versets équivoques, al-mutashabihat, c'est-à-dire des versets qui prêtent à plusieurs interprétations. Des versets qui peuvent avoir plusieurs façons d'être compris, hein. Et il laissait de côté les muhkamat, c'est-à-dire les versets qui ne peuvent qu'avoir une seule interprétation et qui sont explicites et clairs dans leur sens. Ou bien on peut le dire d'une autre façon, c'est que les mutashabihat, c'est des versets qui ne peuvent pas être compris par eux-mêmes. Ils ont besoin d'autres versets ou des hadiths pour être compris correctement. Tandis que les muhkamat, c'est des versets qui sont clairs, ils n'ont pas besoin d'un autre verset ou d'un hadith pour être compris correctement. Donc, Sabir ibn Asal, lui, il cherche que les versets qui sont équivoques, qui peuvent avoir plusieurs interprétations, qui ne peuvent pas être compris par eux-mêmes. Hein? Et à la base, c'est les ulama qui sont capables de ramener les versets qui sont équivoques aux versets qui sont explicites, pour faire en sorte qu'il soit clair, ou bien à des hadiths. Hein? Donc, Sabir ibn Asal, comme je disais, il cherchait que les mutashabihat dans le Coran. Et il demandait à tout le monde ces questions-là. Et Omar ibn Khattab, quand il a entendu parler de ça, il a ordonné que on arrête Sabir ibn Asal et qu'on lui amène. Qu'on l'amène vers lui. Alors quand il est arrivé, il a dit, je suis, Omar a demandé, qui es-tu? Il a dit, je suis Abdullah Sabir. Et Omar ibn Khattab a dit, moi je suis Abdullah Omar. Et Omar a pris des roseaux qu'il avait préparés pour lui, séchés, et puis il s'est mis à le frapper, hein, sur la tête, jusqu'à ce que même du sang commence à couler sur sa tête. Et il l'a gardé comme ça pendant 3 jours. Chaque jour, il le sortait pour le battre. Et après, à un moment donné, après le 3e jour, Sabir, il a dit, ça suffit. Omar, j'ai compris. Maintenant, ce que j'avais dans ma tête, ça y est, c'est parti. Hein? Le problème que j'avais, il est réglé maintenant. Et Omar ibn Khattab a ordonné donc que cet homme-là soit expulsé de la ville. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc il a été exilé dans une autre région, dans une autre ville, et par la suite, il a ordonné le prof, Omar ibn Khattab a ordonné que personne ne lui adresse la parole. Personne ne lui parle. Et donc, il est resté comme ça pendant un bon bout de temps. Et lorsqu'il est mort, les gens ont dit il est mort parmi les ulama. C'est-à-dire quand il est mort, il était devenu un d'entre les ulama. Pourquoi? Parce que il a compris qu'il faut étudier la religion et étudier de façon correcte, pas de poser passer son temps à poser des questions sur les mutashabihat, mais d'étudier justement les choses qui sont les plus importantes en premier, et commencer par les bases. Et même qu'on dit dans l'histoire aussi que lorsque les Khawarij sont sortis, ils sont venus voir Sabir pour lui demander de sortir avec eux contre les Sahaba, et il a répondu, hein, que non, il a dit non, je ne peux pas sortir avec vous. Et il leur a dit, j'ai été corrigé par le serviteur pieux, c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab m'a donné une bonne correction, maintenant j'ai pris ma leçon. Hein? Il n'allait pas retourner dans ce genre de choses. Ça c'est l'histoire, ça c'est des exemples qui sont mentionnés. Et quand des genres de situations comme ça se sont produites, par rapport à certains individus, les musulmans ont vu qu'il fallait boycotter celui qui laissait paraître des signes de déviation et qui laissait montrer des bid'ahs, et qui invitait à ces bid'ahs-là. ou bien des gens qui montraient ouvertement des péchés, des grands péchés, comme des kaba'ir. Donc, ils agissaient avec eux de cette façon-là et ils boycottaient ces personnes. Tandis que si c'était des gens qui commettaient ces péchés-là, mais qui étaient couverts, c'est-à-dire qui faisaient pas ça devant les gens ou en public, devant les gens, ils étaient cachés ou couverts dans leurs péchés, ou qui cachaient leur bid'ah, et que cette bid'ah n'était pas une bid'ah qui a atteint le degré de kufr, alors dans ce cas-là, ils ne le boycottaient pas. La personne qui faisait un grand péché, mais qui se cache, ou qui fait une bid'ah, mais qui cache sa bid'ah, et que ce n'est pas quelque chose qui atteint le degré de kufr, alors ils ne le boycottent pas. Ils boycottent seulement la personne qui appelle ouvertement à sa bid'ah. Hein? Parce que en réalité, il dit le cheikh que l'hajr, le fait de boycotter ou de s'écarter de quelqu'un par rapport à un péché ou une bid'ah, c'est un genre de punition en fait. C'est une forme de punition dans la charia. Et on l'applique, cette punition, uniquement à celui qui a laissé paraître son péché. Hein? Que ce soit un péché en parole ou en action. Et comme hier je vous ai mentionné l'exemple, comme les salafs ont mentionné, en basant sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la rage, hein, et que je vous ai mentionné l'exemple des zombies, hein, eh bien ça m'a fait penser à quelque chose pour en même temps faire comprendre l'aspect de Hajr en réalité. C'est comme quand on met des gens qui sont malades, qui ont une sorte de maladie ou virus, ou comme on voit par exemple dans des histoires où ils parlent des gens qui ont été infectés par un virus, hein, qui tue les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent en quarantaine. Pourquoi? Pour pas que le virus se propage, hein, pour pas que la maladie se propage. Eh bien, Al-Hajr, c'est comme une sorte de quarantaine en fait, hein, qu'on applique envers qui? Envers les mubtadi'a, pour éviter que leur bid'a se propage parmi la population, parmi les musulmans. Hein? Donc c'est le même principe. Et il dit, en ce qui concerne celui qui nous montre du bien, eh bien nous on se base sur qu'est-ce qui est apparent. Et qu'est-ce qu'il a en lui-même, qu'est-ce qu'il cache, on le laisse à Allah. C'est Allah qui va le juger. Et ça, c'est un principe dans l'islam. Qu'on juge les gens par leurs paroles et par leurs actions, par ce qui est apparent. Tandis que leur cœur, c'est Allah qui va les juger. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, il n'a pas tué les munafiqines. Alors qu'il savait qui ils étaient. Mais il se basait sur leur apparence. En apparence, ils montrent qu'ils sont musulmans, ils prient, ils jeûnent. Hein, ils font tout ce que les musulmans font, même ils faisaient le djihad même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ils ne croyaient pas en l'islam. C'était des munafiqines. Donc, le cheikh, c'est ce qu'il explique là. Il dit donc que celui qui nous montre parmi ces gens-là un bien, même s'il cache sa bid'a, mais il nous montre du bien, eh bien, on se base sur qu'est-ce qu'il nous montre. Et qu'est-ce qu'il a caché en lui-même? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le juger pour ça. Il dit parce que le but, hein, il dit à la fin, c'est comme si ils sont au même degré que les munafiqines. Ceux qui cachent leur bid'a parmi les mubtadi'a, c'est le même degré que les munafiqines, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait leur apparence et remettait leur qu'est-ce qu'ils cachent en eux-mêmes dans leur cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et quand ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu de Tabouk, hein, il est revenu de la bataille, puis que les munafiqoun sont venus pour y aller demander des excuses, ils sont venus en train de jurer, en train de s'excuser. Ils disaient, oh messager d'Allah, je te jure que, hein, je voulais venir, je te jure par Allah que j'allais venir, mais j'avais tel problème, des excuses. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté leurs excuses et il les a laissés partir. Hein? Sauf les trois qui étaient vraiment sincères et qui ont avoué qu'ils avaient commis un péché. Et ça, ça nous donne en même temps, dans cet exemple-là de ces trois sahabas, ça nous montre un exemple de sincérité, que les sahabas, ils disaient la vérité même quand c'était contre eux. Hein? Même quand c'était contre eux, ils allaient dire la vérité. Parce qu'ils étaient sincères. Ils disent pas la vérité jusqu'à c'est en leur faveur, mais même quand c'était contre eux, ils sont honnêtes. Hein? Ils sont sincères. C'est ça la sincérité. De dire la vérité, comme Allah le dit dans le Coran, ou même quand c'est contre vous, ou contre vos proches, vos parents, hein? Ou les, hein, vos, ou al-walidain ou al-aqrabin, les deux parents, ou même vos proches. Que quand c'est le temps de dire la vérité, on témoigne, on fait un témoignage de vérité. On ne va pas déformer la vérité pour protéger soit sa personne ou nos proches quand c'est le temps de témoigner, par exemple. Et il dit, et c'est pour cette raison-là que l'imam Ahmad et la plupart de ceux qui sont venus avant lui et après lui parmi les imams, comme l'imam Malik et d'autres, ils n'acceptent pas la narration de la personne qui invite à la bid'a. Et ils ne s'assoient pas avec lui, contrairement à celui qui se tait. C'est-à-dire, contrairement à celui qui n'appelle pas à sa bid'a. C'est-à-dire, il pouvait parfois accepter la bid'a, il pouvait parfois accepter le hadith qui était rapporté par un mubtadi' qui n'appelle pas à sa bid'a. Et il dit que les rapporteurs, les savants qui ont rassemblé Sahih, les livres de Sahih, comme Sahih al-Bukhari et autres, ils ont, parmi les narrateurs qu'ils ont dans leurs livres, il y en a parmi eux qui ont été accusés d'avoir des bid'ah parmi eux. Sauf qu'ils taisaient leurs bid'ah. C'était des gens qui n'appelaient pas avec leur, à leur bid'ah. Hein? Et ils n'ont pas fait sortir de hadith des gens qui appellent à la bid'ah. Et donc ça c'est la fin de la citation en question de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ensuite il mentionne une autre parole de Ibn Taymiyyah, mais celle-là on l'a déjà lue deux fois, même au dernier cours on l'a lue deux fois. Donc c'est la parole où il mentionne que yani, on demande à l'imam Ahmad qu'est-ce qui est mieux, de faire le jeûne et la prière ou l'intikaf, et ou bien de répondre au mubtadi'a. Et que l'imam Ahmad a répondu que qu'est-ce qui était mieux, c'est de défendre, c'est de répondre les mubtadi'a, parce que celui qui prie et qui jeûne, il le fait seulement pour lui-même, tandis que celui qui répond au mubtadi'a, c'est pour le bien de tous les musulmans, hein, pour protéger la religion de tous les musulmans. Donc cette citation-là, on va donc la sauter, mais celui qui veut la relire dans le livre, il peut aller au volume 28 de Majmu' Fatawa, de la page 231 à 232. Et il dit ensuite une autre citation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, celui qui est un mubtadi' et qui laisse paraître ouvertement sa bid'a, il est obligatoire de lui faire al-inkar, c'est-à-dire de dénoncer, de condamner ce qu'il fait, hein, et de lui interdire ce qu'il fait. Et il dit, et parmi les formes d'inkar qui sont légiférées dans l'islam, dans la charia, parmi les formes d'inkar qui sont légiférées, il y a par exemple d'empêcher les gens de la religion de prier sur lui, c'est-à-dire quand il meurt. Donc le mubtadi' qui appelle à sa bid'a, une des punitions qu'on peut appliquer sur lui, c'est qu'on ne va pas prier sur lui, on ne va pas faire sa janaza. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, ça veut dire seulement que les ulama, par exemple, et les imams, ils refusaient de prier sur eux pour justement que les musulmans voient que ces gens-là faisaient quelque chose qui n'est pas correct et qu'ils n'étaient pas satisfaits de ces personnes-là. Donc parfois les ulama de Ahl Sunnah, ils s'abstiennent de prier sur certaines personnes, soit parce qu'ils montraient des grands péchés ou parce qu'ils montraient une bid'a, qu'ils appelaient à une bid'a ou des choses de ce genre, pour en même temps que ce soit une punition pour lui et en même temps pour que les musulmans sachent que cette personne-là, elle n'était pas correcte et ils ne vont pas le prendre comme un modèle. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour en même temps que ce soit un genre de blâme et de réprimande envers ceux qui voudraient essayer de les imiter et de leur ressembler, essayer de leur ressembler. Hein? Donc quand ils vont voir qu'on ne prie pas sur eux, quand les musulmans vont voir qu'on ne prie pas sur eux, quand ils meurent, ils vont s'écarter de ce genre de voie-là. Ils ne vont pas les suivre. Hein? Et ils vont s'abstenir d'appeler à ce que ces gens-là appelaient. Et parmi les imams qui ont ordonné les musulmans à suivre cet exemple-là et à appliquer ce genre de punition-là sur les mubtadi'a, on retrouve comme exemple l'imam Malik ibn Anas, l'imam Ahmad ibn Hanbal et d'autres également parmi les grands imams de l'islam. Et il termine en disant « Wallahu a'lam ». Puis, après avoir mentionné que si le péché est ouvert, divulgué ou ouvert, fait publiquement, la punition doit être également faite publiquement. Il mentionne, il dit, وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ, donc il dit, la personne qui appelle ouvertement à une bid'a ou à une perversité, il n'y a pas de riba pour lui. La personne qui appelle ouvertement à une bid'a ou à un péché, une turpitude ou un péché, une désobéissance d'Allah, il n'y a pas de riba pour lui. Et ça, c'est un principe qui est important aussi en même temps. Je vais juste faire un petit point sur ça. C'est que des fois, il y a des prêcheurs qui vont faire des erreurs par rapport à la aqida ou par rapport à au manhaj ou par rapport à des fondements de la religion ou des principes de la religion, et ils font ces erreurs-là publiquement, c'est-à-dire soit ils le diffusent par internet ou bien dans la télé ou la radio ou dans un journal, ils écrivent quelque chose, hein, et dans ces paroles il y a des choses qui sont fausses, contraires à la Coran, contraires à la Sunna. Donc dans des situations comme ça, les ulama, ils vont réfuter publiquement. Hein? Et si c'est quelque chose qui n'est pas fait publiquement, eh bien, en général, on va faire la correction en privé aussi. Donc, si c'est divulgué, on divulgue la réfutation et la réponse. Et si c'est pas le cas, eh bien, on agit selon ce qui correspond à ça. Et ce n'est pas nécessaire, avant de faire la réfutation ou la réponse, qu'on ait fait parvenir cette réponse-là à la personne qui a commis l'erreur avant. Hein? C'est si on fait seulement la réfutation de la personne directement et corriger son erreur, parce que ça c'est dans le but de protéger les musulmans, de préserver la umma, et de corriger ceux qui ont entendu cette information-là, qui est une information erronée, pour pas qu'ils soient égarés par cette fausse information-là, il faut qu'on fasse diffuser donc la clarification et la réponse de ce qui est incorrect. Donc, ensuite, si on veut donner la réponse ou envoyer la réponse ou la réfutation à la personne concernée en premier, on peut le faire. Les ulama, ils ont dit oui, on peut le faire. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire de le faire. Hein? Parce que souvent tu entends ça. Lorsque quelqu'un est réfuté parmi les individus qui ont fait des erreurs et que la réfutation est diffusée, les gens tout de suite demandent : oui, mais est-ce que tu as contacté la personne est-ce que tu lui as parlé en premier? Et c'est pas une condition. C'est pas une condition. Ensuite, donc le cheikh il dit, pour la personne qui montre une bid'a ou un péché, il n'y a pas de riba, il n'y a pas de médisance pour lui. C'est-à-dire si on mentionne son péché ou sa bid'a et qu'on met en garde contre son péché et sa bid'a et qu'on avertit les gens contre lui par rapport à cette erreur-là ou à cette bid'a-là, ça c'est pas considéré comme de la médisance, comme certaines personnes le pensent parfois. Et il dit que ça a été rapporté selon Al-Hassan al-Basri et d'autres également. Et c'est pour ça que, c'est ça. Donc, étant donné que ce péché-là ou cette bid'a a été divulguée ouvertement, il mérite une punition de la part des musulmans. Et le plus bas de ces punitions, le plus petit niveau de punition qu'il peut recevoir, c'est d'être blâmé. Hein, qu'on le blâme, qu'on le critique, pour que les gens cessent de prendre de cette personne ou cessent de se mélanger avec cette personne. Parce que si on ne le blâmait pas, et si on ne le mentionnait pas de cette façon-là, chez les gens, eh bien, les gens prendraient, hein, les gens se laisseraient tromper. Ils se laisseraient tromper par ces péchés-là ou par cette bid'a, et peut-être qu'ils voudraient même eux-mêmes commencer à le pratiquer ou le faire. C'est ça, ils voudraient essayer de faire la même chose que lui. Et lui-même, peut-être qu'il allait augmenter encore plus dans son bid'a, dans sa bid'a et ou dans son péché, lorsqu'il voit que on le blâme pas et qu'on le critique pas. Hein? Peut-être qu'il allait encore plus s'acharner encore et être encore plus effronté dans ce qu'il fait. Tandis que si on le mentionne et on avertit de qu'est-ce qu'il a fait, eh bien, il va s'abstenir, il va s'arrêter. Hein? Et les gens vont peut-être cesser de le prendre comme compagnon ou de se mélanger avec lui. Et Al-Hassan, il cite la parole de Al-Hassan al-Basri, il dit que Al-Hassan al-Basri a dit: est-ce que vous préfériez ne pas mentionner la personne qui est fajr, c'est-à-dire qui est sur le péché et qui divulgue ce péché-là? Hein? Il a dit: mentionnez-le avec ce qu'il a comme péché pour que les gens soient avertis. Hein? Et il mentionne par la suite, on a rapporté que Al-Fujur, c'est un nom qui implique tout péché qui est fait publiquement ou ouvertement devant les gens. Le péché qui est fait ouvertement, c'est pas la même chose que le péché qui est fait en cachette. Et le péché qui est fait ouvertement, il est plus dangereux, et plus grave, et plus laid, parce que il influence les autres. C'est comme si la personne qui le fait appelle les autres à le faire aussi. Hein? Et aussi une parole mauvaise. Donc c'est un péché, une action qui est faite publiquement, ou une parole mauvaise qui indique la perversité du cœur de la personne qui dit cette parole. Et c'est pour ça que cette personne mérite d'être boycottée ou qu'on s'écarte d'elle lorsqu'elle a ouvertement appliqué ou fait cette bid'a ou ce péché ou cette perversité. Ou bien par exemple pour la personne qui se mélange avec ceux qui font ce genre de choses là par exemple la personne qui se mélange avec des gens qui font des péchés ou des bid'a, puis qui a pas d'intérêt pour qu'est-ce que les gens vont dire de lui. C'est-à-dire, ça ne le dérange pas si les gens le critiquent. Hein? Comme par exemple les libertins ou les gens qui vivent dans le péché. C'est pas qu'ils font un péché puis qu'ils se repentent. Des gens qui vivent dans le péché, qui disent moi c'est ma façon de vivre, je vis comme ça et je m'en fous qu'est-ce que les gens vont penser de moi, que je vive dans le péché ou non. Hein? Ou une femme par exemple qui dit moi je porte pas le voile. Je fais qu'est-ce que je veux et je m'en fous qu'est-ce que les gens vont me dire, si qu'est-ce que je fais c'est pas correct ou non, hein, c'est pas important. Donc ces gens-là, il n'y a pas de problème de mentionner, hein, qu'est-ce qu'ils font, de mettre en garde les gens par rapport à ceux-là. Parce que le fait de les boycotter et de s'écarter d'eux, c'est une forme de punition. Hein. Et si la personne Hein, parce qu'il y a des gens qui font des péchés, ils savent que c'est, qu'est-ce qu'ils font, c'est un péché, ils vont pas se montrer fiers de ça. Donc c'est ça. Si la personne, elle montre son péché, elle doit être punie pour ça. Si la personne, elle le montre pas, elle le divulgue pas, donc c'est un cas différent. Et le mot hajr, il vient de la même racine, la même origine que Al-Hijra, hein, vous connaissez le terme Al-Hijra. Donc il y a un lien entre les deux mots. Le fait de quitter un pays des kuffars pour aller vivre dans le pays des musulmans. Ça c'est ce qu'on appelle Al-Hijra. Le pays de shirk, on le quitte pour aller dans un pays de l'islam. Hein. Ou bien même parfois un pays où c'est la bid'a qui est établie, comme le pays des rafidah par exemple, ou un autre pays où les gens sont majoritairement sur la bid'a et ils défendent la bid'a. Et qu'ils opposent la sunna, tu quittes ce pays-là pour aller vivre dans le pays où il y a la sunna. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Donc, le fait de s'écarter des péchés, tout ça, ça rentre dans le même sens que la hijra. Hein? C'est-à-dire de s'écarter de ce que Allah nous a interdit. Et il cite le verset, وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. Hein? Verset 5 dans surat Al-Muddassir, c'est-à-dire, et yani, écarte-toi des idoles. Et le verset 140 dans surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et on a révélé sur toi dans le livre, que si vous entendez qu'on renie les versets d'Allah ou qu'on s'en moque, alors ne vous assoyez pas avec ceux qui le font jusqu'à ce qu'ils rentrent dans un autre sujet, sinon vous serez comme eux. Non. Donc là, ils font le qama, le adhan. Ok. Donc on a encore quelques minutes jusqu'à l'iqama. Hein? De toute façon, on n'a pas fini, mais bon. Je pensais qu'on allait finir en un dars. À moins qu'on fasse pause, puis qu'on fasse la suite après la salat, inshallah. Donc on va faire pause, puis après la salat, on revient pour compléter celui-là.